Il y a un arrêt de bus, un homme et surtout une femme, au sourire qui baigne dans l'air, sur sa peau. Elle dessine de ses lèvres délicieuses tout son charme, que j'imprime sans le vouloir au fond de mon cerveau. 2 heures plus tard, son sourire a mué en entêtement, en entité qui couvre mon attention comme un revêtement. Assise en moi, à mon encontre, elle m'a tapissé. C'est fait, telle une boucle bien trop courte, bien trop ficelée. Mes neurones dansent tout autour, oubliant que j'ai des choses à faire. Tenace, entêtée, obsessionnelle, mais jamais volontaire. La chose se ressasse à mon grand détriment. La chose se ressasse à mon grand étonnement. N'y feront rien, et leur sourire non plus. Je ne peux me distraire, me soustraire à cette jeune inconnue. J'essaye le silence, mais alors les lèvres y résonnent. Je tente le bruit, mais c'est un sourire bruyant qui me passionne. Le cerveau n'est pas un livre, on peut tourner les pages. À moins que ce sourire en soit le titre, et moi l'otage. J'aimerais bercer cette image pour que s'endorme l'obsession et qu'elle se taise à ma guise et s'incline à ma raison. C'est une note qui retentit, une douleur qui ne guérit, un sourire qui me transporte et un souvenir qui m'insupporte. C'est une note qui retentit, une douleur qui ne guérit, un sourire qui me transporte et un souvenir qui m'insupporte. C'est une note qui retentit, une douleur qui guérit. Se brise, s'évapore.